The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Examination. Le contrôle. To watch over. Surveiller. To stop. Arrêter. Understand. Comprendre. To cheat. Tricher. To write. Écrire. To manage to. Arriver à. To read. Lire. Principal. Le directeur. Now, a bit faster. To read. Lire. To watch over. Surveiller. Principal. Le directeur. To manage to. Arriver à. To read. Lire. To stop. Arrêter. Understand. Comprendre. To stop. Arrêter. To manage to. Arriver à. Principal. Le directeur. To manage to. Arriver à. To write. Écrire. Examination. Le contrôle. To read. Lire. To watch over. Surveiller. To write. Écrire. To watch over. Surveiller. Understand. Comprendre. Now, use the words in context. Le contrôle. I have an examination tomorrow. J'ai un contrôle demain. Surveiller. I watched my little cousin yesterday. J'ai surveillé mon petit cousin hier. Tricher. He cheats all the time. Il triche tout le temps. Arriver à. I always manage to convince him. J'arrive toujours à le convaincre. Écrire. Write properly, I can't read it. Écris proprement, je n'arrive pas à lire. Le contrôle. I have an examination tomorrow. J'ai un contrôle demain. Surveiller. I watched my little cousin yesterday. J'ai surveillé mon petit cousin hier. Arriver à. I always manage to convince him. J'arrive toujours à le convaincre.